À l'occasion du 52e anniversaire du commencement du travail au comité central du parti par le dirigeant Kim Jong-il, Madame Chung Il-sim, femme du héros de la République Han Dong-soo, a déposé une corbeille de fleurs le 18 courant devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Nansu avant de formuler l'hommage.